L'hôtesse. Il est très vraisemblable, madame, que plus j'irai, plus vous gagnerez en comparaison, et que je vous reviendrai plus passionné, plus tendre, plus convaincu que jamais que madame de la Pommeraye était la seule femme faite pour mon bonheur. Et après ce retour, il y a tout à parier que je vous resterai jusqu'à la fin de ma vie. S'il arrivait qu'à votre retour, vous ne me trouvassiez plus, car enfin, marquis, on n'est pas toujours juste. Il ne serait pas impossible que je ne me prise de goût, de fantaisie, de passion même, pour un autre qui ne me voudrait pas. J'en serais assurément désolé, mais je n'aurais point à me plaindre. Je ne m'en prendrais qu'au sort, qui nous aurait séparés lorsque nous étions unis, et qui nous rapprocherait lorsque nous ne pourrions plus l'être. Après cette conversation, ils se mirent à moraliser sur l'inconstance du cœur humain, sur la frivolité des serments, sur le lien du mariage. « Madame, qu'est-ce ? Le coche ! » !»« Messieurs, dit l'hôtesse, il faut que je vous quitte. Ce soir, lorsque toutes mes affaires seront faites, je reviendrai et je vous assurerai cette aventure, si vous en êtes curieux. »« Madame, ma femme, notre hôtesse !»« On y va, on y va !» L'hôtesse partit, le maître dit à son valet, « Jacques, as-tu remarqué une chose ?»« Quelle ?» C'est que cette femme raconte beaucoup mieux qu'il ne convient à une femme d'auberge. Il est vrai. Les fréquentes interruptions des gens de cette maison m'ont impatienté plusieurs fois. Et moi aussi. Et vous, lecteur, parlez sans dissimulation, car vous voyez que nous sommes en beau train de franchise. Voulez-vous que nous laissions là cette élégante et prolixe bavarde d'hôtesse et que nous reprenions les amours de Jacques ? Pour moi, je ne tiens à rien. Lorsque cette femme remontera, Jacques le bavard ne demandera pas mieux que de reprendre son rôle et de lui fermer la porte au nez. Il en sera quitte pour lui dire par le trou de la serrure. « Bonsoir, madame. Mon maître dort, je vais me coucher. Il faut remettre le reste à notre passage. »